À voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard. Bonjour, dans cette série Lettres d'amour, voici celle que George Sand adressait à Alfred de Musset. Aurore Dupin, dit George Sand, bouscula les conventions sociales de son époque par ses passions successives, dont la plus célèbre demeure celle qu'elle éprouva pour Alfred de Musset. Et si George Sand ne fut jamais membre d'une académie, Musset, en revanche, fut élu à l'Académie française en 1852, 5 ans avant sa mort, mais sa carrière était derrière lui et son inspiration éteinte. Lorsqu'il avait remporté son premier grand succès, il avait 23 ans. Il venait de publier « Rolla », un drame d'amour qui raconte l'histoire d'un jeune homme, cœur noble mais naïf, qui, devenu le plus grand débauché de Paris, sera sauvé à la dernière minute par la pureté et l'amour de Marion. La même année que Rolla, en 1833, Musset publiera aussi « Les caprices de Marianne ». Et surtout, cette année-là, il rencontre George Sand et tous deux s'enflamment de passion. Après un séjour idyllique à Fontainebleau, les deux amants partent pour l'Italie, mais à Venise, en février 1834, Musset tombe gravement malade, George le soigne comme une mère et elle le trompe avec le médecin Pagello. Musset est au désespoir, leur passion s'effrite, ce qui n'empêche pas qu'ils continuent à s'écrire. George Sand reste attentive à la santé de son ancien amant et lui conserve une tendresse certaine, vous allez en juger. Alors qu'il se repose à Genève, elle répond à l'une de ses lettres. J'étais au désespoir. Enfin, j'ai reçu ta lettre de Genève. Oh, que je t'en remercie, mon enfant. Qu'elle est bonne et qu'elle m'a fait de bien. Est-ce bien vrai que tu n'es pas malade, que tu es fort, que tu ne souffres pas? Je crains toujours que par affection, tu ne m'exagères cette bonne santé. Oh, que Dieu te la donne et te la conserve, mon cher petit. Cela est aussi nécessaire à ma vie désormais que ton amitié. Sans l'une ou sans l'autre, je ne puis pas espérer un seul beau jour pour moi. Ne crois pas, Alfred, que je puisse être heureuse avec la pensée d'avoir perdu ton cœur. Que j'ai été ta maîtresse ou ta mère, peu importe. Que je t'ai inspiré de l'amour ou de l'amitié, que j'ai été heureuse ou malheureuse avec toi, tout cela ne change rien à l'état de mon âme à présent. Je sais que je t'aime et c'est tout. Hélas, non, ce n'était pas notre faute. Nous suivions notre destinée et nos caractères plus âpres, plus violents que ceux des autres nous empêchaient d'accepter la vie des amants ordinaires. Mais nous sommes nés pour nous connaître et pour nous aimer, sois-en sûr. Sans ta jeunesse et la faiblesse que tes larmes m'ont causée un matin, nous serions restés frères et sœurs. Nous savions que cela nous convenait. Nous nous étions prédit les maux qui nous sont arrivés. Eh bien, qu'importe après tout, nous avons passé par un rude sentier, mais nous sommes arrivés à la hauteur où nous devions nous reposer ensemble. Nous avons été amants. Nous nous connaissions jusqu'au fond de l'âme. Tant mieux. Quelle découverte avons-nous faite mutuellement qui puisse nous dégoûter l'un de l'autre? Oh, malheur à nous si nous nous étions séparés dans un jour de colère sans nous comprendre, sans nous expliquer. C'est alors qu'une pensée odieuse eût empoisonné notre vie entière. C'est alors que nous n'aurions jamais cru à rien. Mais aurions-nous pu nous séparer ainsi? Ne l'avons-nous pas tenté en vain plusieurs fois? Nos cœurs enflammés d'orgueil et de ressentiment ne se brisaient-ils pas de douleur et de regret chaque fois que nous nous trouvions seuls? Non, cela ne pouvait pas être. Nous devions, en renonçant à des relations devenues impossibles, rester liés pour l'éternité. Tu as raison, notre embrasement était un inceste. Mais nous ne le savions pas. Tu m'as reproché dans un jour de fièvre et de délire de n'avoir jamais su te donner les plaisirs de l'amour. J'en ai pleuré alors. Et maintenant je suis bien aise qu'il y ait quelque chose de vrai dans ce reproche. Je suis bien aise que ces plaisirs aient été plus austères, plus voilés que ceux que tu retrouveras ailleurs. Au moins, tu ne te souviendras pas de moi dans les bras des autres femmes. Mais quand tu seras seule, quand tu auras besoin de prier et de pleurer, tu penseras à ton Georges, à ton vrai camarade, à ton infirmière, à ton ami, à quelque chose de mieux que tout cela. Car le sentiment qui nous unit s'est formé de tant de choses qu'il ne peut comparer à aucun autre. Le monde n'y comprendra jamais rien. Tant mieux, nous nous aimerons et nous nous moquerons de lui. Et nous, on ne se moquera pas de cet amour hors du commun, capable de prendre de multiples visages. Merci au comédien Fernand Guillot pour cette lecture, d'avoir prêté sa voix d'homme à celle d'une femme. À bientôt pour une autre lettre d'amour. Thank you.